Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à ce nouveau rendez-vous, en fait notre 150e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Daymoon du Portugal, Men d'Angleterre, Fido des États-Unis, Cyrus B des États-Unis, Sid Elan d'Angleterre, Persephone's Dream des États-Unis, Parthenon du Venezuela, Mondo Drag des États-Unis, Bad Dreams d'Argentine, Taproban d'Italie et Citizens Kane, Stuart Bell d'Angleterre. Alors, on débute le premier bloc avec la formation portugaise Daymoon. Daymoon qui a trois albums studio à son actif, dont le plus récent Cruz Quebraba. Et on va entendre quatre extraits de ce nouvel album-là. Et ça sera suivi de Man. Man qui est une formation britannique qui est active depuis 1969. On leur compte 16 albums studio à leur actif. Et on va entendre un extrait de l'album paru en 2000, qui se trouve être le 12e album du groupe. Et l'album s'intitule Endangered Species. Alors, on débute ça avec Daymoon du Portugal. The river set the sun on. Spat me out again. Yesterday hurt so much today. Wanted to give my world. Share all that I have. Give all that I am. But none of it is mine. Alone. Thank you. The dark wild waters of passion and despair had flushed my soul. The earthquake was over. I woke in a canoe, swaying on the river. My morning had changed to Indian light. With a post-fever ache, I set up in the distance, the canyon widened out to an uncharted land with brand new mountains, the sky the promise of a million new weathers. My morning had changed to Indian white. I pick up the paddle. And begin to row. We'll be right back. sailed this house with me through the rapids and to the brackish waters of the desert and the maze of canals in the jungle. Plunged down the falls of darkness till the world was upside down and I was but a shipwreck. I've crossed the river and lie panting next to you, the pain is gone. The far bank of the river is the far bank now. I see the hole left by the foundations I truly loved her. And our three sweet daughters, so much alike, have moored the house to the river bank. Let's tow it off onto the dry land. Let us build our own foundations. I am ready. Let me rest now beside you on the grass. I am out of breath, so let me look at you. Good morning, my love. parts of the places we have been. So you go first and I'll follow. I'll be behind you all the time. We can make it up the mountain, but it's gonna be a hell of a climb. Face to face, eye to eye, all the glitter and gold fades when you sell your soul. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au deuxième bloc de l'émission et on débute ça avec Fido. Fido qui, en fait, c'est le troisième extrait de l'album Number 7 qu'on fait passer à l'émission depuis trois semaines. Et ce qu'on va entendre, c'est Love Theme from Number 7. Et cet album-là de Fido, en fait, s'intitule Number 7, mais ça s'avère être le huitième album du groupe. Ça, c'est paru en 2009. Et, je rappelle que Fido a 10 albums studio à son actif. Et ça sera suivi par une nouveauté d'un groupe américain du nom de Cyrus B. Cyrus B ont 5 albums depuis l'année 2008. Alors, Places Unseen, ça s'est paru cet automne. Alors, on aura un extrait de ça aussi. Et on aura le fin du bloc avec la formation britannique Ce Delan. C'est le deuxième album qui vient de paraître, Drifter, un petit peu plus tôt en 2016, par contre. Et Ce Delan, ben, c'est composé d'un multi-instrumentiste, Justin Greaves, qui fait partie de la formation Crippled Black Phoenix, et Belinda Cordix, qui est une chanteuse suédoise qui faisait partie auparavant de Killing Mood. Alors, on débute ça avec Fido. confondere il tempo arrivato, lo so, la storia mente. Avvolto senza luce a morto. Milano sembra vivo, mannaggia la vita, dove io andrò. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et avant de débuter le troisième bloc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. Bien, c'était la formation britannique. En fait, c'est un mixte de britannique et suédois. La formation Sutherland et la pièce Fear No Ghost. Et c'est extrait de Drifter. Ça, c'est paru en 2016. Et auparavant, nous avions Cyrus B, la formation américaine, avec la pièce First Departure. Et c'est extrait de Places Unseen. C'est aussi paru en 2016. Et en début de bloc, nous avions Fido avec la pièce Love Theme from Number 7. Et c'est extrait de Number 7. Je rappelle que c'est le troisième extrait qu'on fait jouer tiré de cet album-là. Et ça démontre qu'il y a pas mal de consistance au niveau qualité. Hein, je pense que c'est un des meilleurs albums de Fido. Ça, c'est paru en 2009. Alors, on débute le troisième bloc avec une suggestion de Denis Marchand. Et le groupe, c'est Persephone's Dream. C'est un groupe américain qui ont 5 albums studio, dont le plus récent en 2010. C'est quand même entre 1997 et 2010 qu'ils ont fait paraître les 5 albums. Et l'album qu'on va entendre, c'est un extrait de l'album Pan and Urban Pastoral. Ça va être suivi de Parthenon. Parthenon, ce groupe du Venezuela qu'on a fait jouer la semaine dernière, et on reprend ça. Ils ont un album, Mare Tenebris, qui est paru en 2005. Et je rappelle aux auditeurs qu'à la dissolution de ce groupe-là, bien, les membres ont formé, se sont séparés et ont formé, entre autres, Tempano du Venezuela et Amarok de l'Espagne. Et après ça, on aura Mondo Drag. Mondo Drag, qui est une formation américaine avec 4 albums studio depuis 2008. Le plus récent, c'est 2016 avec The Occultation of Light. On va entendre un petit extrait là-dessus et on va conclure le bloc avec une nouveauté d'Argentine. Il s'agit de Bad Dreams, une formation de 6 musiciens. C'est nouveau. L'album s'intitule Déjà Vu. Alors, on débute ça avec un petit rappel sur Persephone's Dream. Hear my voice now in the silence while we walk the road of history. Take my hand now, hear the words I say. On the longest night, we'll pass in shadow and shatter the walls of spirits led within. Thank you. Thank you. found in Bushido, the perfection of the code. Its wisdom was revealed to me among members of my infancy. They treat me as a brother. They wrote the world inside my pages, exiling the demons across the emptiness. Had climbed over these walls, blazes of rising suns extinguish my blood. I had to be the bravest, my mind shall be the calm. Our cast will be a legend on the stars. Oh, whoever wants. I must embrace the battle at the end of sunrise. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission. On va faire un petit rappel ce qui s'est passé avant la pause. C'était Bad Dreams d'Argentine avec la pièce Samurai of the Rising Sun. Ça, c'est extrait de Déjà Vu, leur premier album qui est paru en automne 2000, en fait l'été 2016. Ça a été précédé de Mondo Drag, aussi un album de 2016. L'album s'intitule The Occultation of Light et on a entendu la pièce Out of Sight. Et ça a été précédé de la formation vénézuélienne Parthenon et on a entendu la pièce Conversaciones entre diversas criaturas del inferno. Et c'est extrait de New Tenebris. Ça, c'est paru en 2004. Et en début de bloc, nous avions Persephone's Dream des États-Unis avec Eratos Pulse. Et ça a été extrait de Panan Urban Pastoral. Alors, pour conclure l'émission, nous avons deux nouveautés. La première nous vient d'Italie avec Taproban. Taproban qui vient de faire paraître leur cinquième album studio, Per Aspera ad Astra. Et une particularité, c'est que c'est une relecture de pièces qui ont été programmées ou enregistrées au préalable sur d'autres albums, par exemple Outside Nowhere en 2004, entre autres, et Posidonian Fields en 2006. Et le claviériste Gianluca De Rossi s'est payé le luxe de reprendre ces pièces-là. Et on va entendre Il Difficile Equilibrio tra Sorgenti d'Energia. Et on aura aussi, en fin de bloc, une nouveauté de Citizen Kane's Stuart Bell. L'album s'intitule The Antechamber of Being Part 2. Et la pièce est The Probability of Improbability. Et la particularité de cet album-là, ben, c'est la présence du chanteur de la formation italienne The Watch. Je parle ici de Simone Rossetti. Et on a aussi la participation de Arjun Anthony Lucassen, Darian. Alors, on débute ça avec Taproban. We'll be right back. They say it's only explained by science, it's all coincidence. They say it has no purpose, it's all just meaningless. They say cold dark inhuman forces run the show. This can't be so. They say it's all illusion, this awareness that we feel. Strange loops reflecting mirrors, just random chemistry. There must be a purpose, there must be a reason. Thank you. underneath the superficial self, which pays attention to this and that, there is another self, more really us than I. And if you become aware of that unknown self, the more you realize that it is inseparably connected with everything else that there is. What you are basically, deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. The experience you are having, which you call ordinary everyday consciousness, pretending you're not it, that experience is exactly the same thing as it. There's no difference at all. You are the eternal thing that comes and goes. It appears now as John Joe, now as Mary Smith, now as Betty Brown, and so on. The universe took me by the hand. She said, it's nothing personal. It's a work in progress. Sometimes creative forces moving towards a greater good. Can these fire and thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Citizen Kane's Stuart Bell avec la nouveauté The Antechamber of Being Part 2, avec la participation de Simone Rossetti du groupe The Watch. C'est la voix qu'on entend qui ressemble à celle de Peter Gabriel. Et on a aussi la participation de Arjun Anton Lucassen de Arion. Et ça a été précédé de la nouveauté de Taproban, nouveauté italienne. L'album s'intitule Per Aspera ad Astra. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Il difficile equilibrio tra sorgenti d'energia. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 150e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mercredis de 11h à 13h, toujours sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche pour accéder à l'émission qui a été enregistrée cette semaine. Et si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Et sur cette même page, vous aurez aussi un lien qui vous amènera à plus de 75 émissions archivées. Alors sur ce, c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.